Bonjour, je viens de passer dans le salon et il y a une entrevue qui est accordée à Paul Larocque par un héros, le commandant Piché. Oui, le commandant Piché qui a sauvé des vies en faisant exactement ce que n'importe qui de logique dans les mêmes circonstances aurait fait et qui, d'une façon collatérale, a contribué à sauver des vies en sauvant sa propre vie. Ce n'est pas grave que le commandant Piché ait été trafiquant de drogue et qu'il ait possiblement contribué à tuer plus de monde qu'il en a sauvé. Non, ce n'est pas grave. C'est un héros du simple fait qu'il a combattu les addictions comme la drogue, l'alcool, le jeu et Dieu sait quoi encore. Non, c'est un héros et un exemple pour la jeunesse. Paul Larocque le démontre, ce grand journaliste de TVA, TVA dont le slogan dit « C'est vrai ». Donc, c'est vrai parce que c'est TVA. Oui, Paul Larocque nous a fait connaître la vie rêvée de Jérémie. Donc, oui, le commandant Piché est un héros. C'est un héros. Il admet lui-même que possiblement n'importe qui ayant les mêmes capacités aurait fait la même chose. Donc, en plus, il est humble. C'est un héros, ne serait-ce que parce qu'il a combattu des addictions terribles. Pas celle des autres quand il faisait du trafic de drogue, mais les siennes. Comme, par exemple, le héros qu'a été en combattant ses propres addictions, Jean Lapointe. Oui, Jean Lapointe, qui vient de décéder, à qui on voulait accorder des funérailles nationales. Oui, ce grand homme qui est allé se plier pour recevoir l'Ordre du Canada, qui a été sénateur, qui a participé à des soupers avec plein de grands personnages que je n'ai pas à nommer parce que je n'ai pas le temps. Donc, Paul Larocque qui nous a fait connaître la vie rêvée de Jérémie, c'est un grand journaliste. Et il est en train d'interviewer un héros, le commandant Piché. Et non, ce n'est pas grave que, quand il était trafiquant de drogue, qu'il ait peut-être contribué à tuer plus de gens qu'il en a sauvé au hasard des circonstances plus tard. Non, ce n'est pas grave. Et c'est un exemple pour la jeunesse parce que ça démontre que même si vous faites du trafic de drogue, même si vous êtes addict à la drogue, au jeu, à l'alcool et à Dieu sait quoi encore, vous pourrez quand même être joué par des grands acteurs comme Michel Côté qui sort un binocle pour lire sa petite carte à Tout le monde en parle, des gens tellement simples, tellement humbles, tellement merveilleux. Donc, le commandant est un exemple pour la jeunesse et c'est un héros. Non, ce n'est pas de l'information spectacle. Non, ce n'est pas la fabrication d'un personnage. Non. Ces gens-là ont du discernement. S'ils nous le montrent comme un héros, c'est que c'en est un. Donc, voyez, d'ailleurs, même après avoir été condamné pour trafic de drogue, il a été engagé par Air Transat comme pilote. Preuve de l'extraordinaire discernement de cette compagnie, dont l'un des cofondateurs est François Legault, qui a par la suite, à un moment donné, vendu ses actions, puis bon, ses associés étaient perplexes. Mais le commandant Piché est un héros, hein? Tout comme François Legault est un grand chef d'État, tout comme Paul Larocque est un grand journaliste. Surtout depuis qu'il nous a fait connaître la vie rêvée de Jérémie. Puis, de toute façon, c'est certain que c'est un héros parce que ça passe à TVA. Et TVA, c'est vrai, leur slogan le dit.